Bonjour Aude, qu'est-ce que tu lis ? Salut Léa, je lis Le Rouge et le Noir. Ah bon ? Tu aimes les romans classiques ? Oui, j'aime bien ça. Moi, je n'aime pas les classiques, je préfère les romans policiers. Moi aussi, j'aime bien les romans policiers. Vraiment ? Qu'est-ce que tu préfères alors ? Les classiques ou les policiers ? Aucun des deux. Moi, je préfère les romans de science-fiction.